Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un voyage en France, Avignon, là où vivaient alors les papes. Un retour en Italie, à Prato, plus précisément en Toscane. L'histoire d'un marchand, Francesco Di Marco d'Attini. Du jeune orphelin de 15 ans au riche financier et commerçant. Quel commerce ? Celui des armes, pour commencer. À Avignon, celui des marchandises précieuses. Il faut bien que les papes vivent dans un certain luxe. Et Francesco Di Marco d'Attini savait qu'il y avait tout à faire, que sa jeune ambition allait trouver à Avignon un terrain parfait. Riche en France, en Italie et dans le reste du monde connu. Les archives, par définition, conservent les traces écrites de celles et ceux qui ont fait l'Europe, la France dans les archives de l'Europe. À Prato, la constitution au XIVe siècle des premières grandes archives commerciales d'Europe. En Avignon, les années d'apprentissage des marchands de Prato. Par Françoise Maletra, réalisation Christine Bernard-Sugy, première diffusion sur France Culture le 25 août 1982. Pente du sel. Dans ce livre, j'inscrirai par ordre et par partie, jour par jour, tous ceux qui devront me donner, en commençant à la page suivante et ainsi de suite jusqu'au folio 200. Et du folio 200 au folio 300, j'inscrirai par ordre et par partie tous ceux qui devront recevoir. Longtemps se raconta à Avignon les noces fastueuses de Francesco Di Marco d'Attini et de Donna Margherita Bandini, célébrées en l'année 1382. Longtemps s'émerveilla de l'alliance entre le riche marchand toscan, qui était venu 30 ans auparavant, orphelin et pauvre, dans la cité des papes pour y faire fortune, et la jeune Florentine de haute naissance, qui lui offrait un blason. On prétendit que de retour en Italie, il avait continué encore à augmenter ses richesses, qu'il avait ouvert des comptoirs dans le monde entier et créé un réseau d'affaires qui lui permettait de négocier avec les plus importants marchés des côtes méditerranéennes et des mers du Nord. On prétendit aussi qu'il avait inventé la banque, fixé les principes du crédit, développé les techniques de comptabilité et d'administration des biens. On prétendit enfin que dans son beau palais de Prato étaient conservés tous ses livres de comptes, classés selon leur lieu de provenance. Plus de 150 000 lettres, des pièces comptables par centaines, près de 200 contrats d'assurance, un immense patrimoine qui, plus tard, constituerait certainement un trésor pour les historiens, lesquels se trouveraient alors devant la plus riche collection de documents commerciaux du Moyen-Âge. Et l'on eut raison de prétendre tout cela, car dans le palais du marchand de Prato, par une belle journée du mois d'août, cette histoire nous a été racontée. 6 siècles exactement après la mort de son héros. Nous y avions été accueillis par le professeur Giuseppe Pansini, directeur des archives d'État de Florence, par Elena Cecchi, professeur d'histoire à l'Université de Florence, et Diana Toccafondi, archiviste. Ils nous ont permis d'ouvrir les livres de comptes de Francesco d'Attini, de lire les lettres, de déchiffrer les contrats. Ils nous ont prouvé surtout que si l'on voulait aujourd'hui faire revivre l'empire du génial marchand de Prato, c'était exactement cela qu'il conviendrait de faire. Il suffirait d'ôter un peu, très peu, de poussière. Francesco Di Marco d'Attini, qui ne descendait pas d'une famille riche a travaillé et a fondé son patrimoine, sa fortune, sur son activité, sur les qualités de sa personne. Est-ce que nous avons des documents qui nous permettent de retracer les premières années de la vie de Francesco Di Marco? Nous avons très peu de documents à ce propos. Nous avons un livre de compte de son tuteur qui était Pietro Di Giunta, dans lequel nous avons seulement des indications sur les dépenses que Francesco Di Giunta a fait pour Francesco Di Marco Datini. Par exemple, le 14 du mois de mai 1349 est noté dans le registre de la Ragione di Piero Di Giunta. Précisons que le registre de la Ragione, c'est toujours le registre des comptes. Oui, des comptes. Dans lequel on est noté, je le répète, que Pietro Di Giunta a acheté pour Francesco Di Marco des souliers nouvelles et aussi qu'il a donné de l'argent pour lui permettre d'aller à Florence faire expérience auprès d'autres marchands. Mais des documents sur la formation de Francesco Di Marco, on n'a pas trouvé. En quelles circonstances était-il devenu orphelin? En conséquence de la peste qui est éclatée à Prato et à Florence dans le 1348. Il a perdu aussi deux frères et il avait seulement vivant un frère qui s'est dédié lui-même au commerce, à la mercatura, comme on disait alors. Très vite, il va être question d'apprentissage pour Francesco Di Marco. Qui va décider de sa vie? On va envoyer les enfants à Florence. Florence était la ville des arts, des métiers, et spécialement pour le métier de la laine. C'est là que Francesco Di Marco va pouvoir accomplir tout son apprentissage. Et ensuite, grâce à son tuteur, Pietro Di Giunta, eh bien, il va suivre la voie que suivaient beaucoup de jeunes Italiens à l'époque. C'est-à-dire, il s'expatriait en Avignon, la ville où s'était établie la papauté, et là, ils tentaient leur chance. Il est à peu près acquis que une grande partie de la vie économique de la ville d'Avignon, depuis l'arrivée des papes au début du siècle, était passée sous la domination italienne, c'est évident. Donc l'arrivée de Datini à Avignon n'est pas tout à fait fortuite. Elle était préparée par une situation qui semblait une des meilleures situations envisageables pour non seulement des jeunes garçons d'ailleurs, mais pour des Italiens un petit peu aventureux à l'époque. Donc, mais quelle va être la vie de ce jeune garçon de 15 ans à Avignon lorsqu'il arrive? Pour commencer, il va se faire admettre dans un certain nombre d'entreprises et se familiariser avec le commerce, la comptabilité. Aucune école n'aurait pu lui apprendre, naturellement. Il n'en existait pas encore à l'époque. Exactement. Mais lui, ce qu'il voulait surtout, c'était se confronter avec la réalité de l'entreprise. Et est-ce que les archives nous donnent des informations sur ces premières années? Non, très peu. Et ce n'est qu'en 1363 que l'on voit son nom apparaître sur un document, en seconde position, en qualité d'associé en participation au sein d'une compagnie marchande. Quels étaient les marchés les plus florissants à l'époque en Avignon? Il y avait une très forte demande pour toutes les marchandises précieuses, tous les produits de luxe qui pouvaient alimenter la cour des papes et celle de ses cardinaux. En fait, pour tout ce qui était susceptible d'embellir la vie et la faire plus douce. Mais il fallait, pour y réussir, avoir un sérieux esprit d'entreprise et une ambition solide, car tout était à faire. Et indiscutablement, l'avenir appartenait à ceux qui possédaient de telles qualités. Mais on a dit des Pratésiens qu'ils étaient, on le dit toujours d'ailleurs, qu'ils étaient les Italiens les plus doués d'esprit d'entreprise. C'est vrai, c'est encore vrai aujourd'hui et c'était encore plus vrai pour Francesco Di Marco. Il faudrait y ajouter la versatilité, c'est-à-dire le sens de l'opportunité, de ce qui peut être proposé sur un marché à un moment précis, dans une conjoncture bien évaluée. Le réflexe de savoir changer les produits quand il le faut, quitte à les faire réapparaître plus tard. Dattini avait ce talent-là. Il réfléchissait vite et il agissait aussi vite. Et c'est ce qui explique le grand nombre de compagnies qu'il ne cessera de mettre en place et de dissoudre suivant la nature de la demande. Mais il va le prouver très très vite parce qu'il va commencer avec une marchandise, si l'on peut dire, assez spectaculaire, puisqu'il va commencer avec le commerce des armes. Il a commencé avec le commerce des armes, mais aussi avec le commerce d'autres marchandises. Si bien dans une période, le commerce des armes était le principal. Pendant son séjour en Avignon, dans 1354, sa fortune devait être bonne parce qu'il achète dans cette année le terrain sur lequel il bâtira après sa maison à Prato. Professeur Panzini a parlé d'armes, et c'est juste. Le professeur Panzini a parlé du commerce des armes, c'est juste. Mais il s'agissait surtout d'objets de métal. Les armes en font partie, bien entendu. Mais dans les archives, il est question de boulons, de cuirasses, de cottes de mailles, de gants de fer, d'aiguilles. Ceci pour préciser que Dattini n'a absolument rien à voir avec le marchand d'armes tel qu'on l'imagine aujourd'hui, c'est-à-dire un marchand dont l'activité principale est de financer les guerres. Comment avait-il organisé ses premiers pas dans la réalité du commerce ? Il avait apporté lui-même une partie du capital. Comment les choses s'étaient passées ? Parce qu'après, on ne le verra jamais responsable avoué d'une de ses compagnies. Francesco Di Marco Dattini, à Avignone, avait organisé, après avoir été à la dépendance d'autres compagnies, avait organisé des compagnies avec des associés toscans ou bien florentins qui lui aidaient non seulement pour ce qui concerne l'apport des capitaux, mais aussi pour ce qui concerne l'activité. Il y avait alors des associés qui apportaient seulement le capital ou bien des associés qui apportaient seulement leur habileté et des associés qui apportaient aussi capital et activité. Dans ce cas, l'activité était évaluée comme un capital. J'ai lu dans l'ouvrage de Federico Melis qu'il y avait un associé qui avait apporté un capital de 1000, si je ne me trompe pas, fiorini, et son activité était évaluée 500 fiorini. Je pense que Francesco Dattini à Avignone n'avait pas des entreprises individuelles. Les entreprises individuelles de Francesco Di Marco Dattini seront celles de Prato ou bien de après le séjour avignonnais. Plus astres nomes donats que demidons vesnes chayat. Minimus placer nol plas, ni ai pude kemes raia. Obs mes que usia fundauts, en via damo veraia. et puis na penre asas en Catalunya la gaia entre els catalans valents e las donnas avines. L'histoire retient Datini comme le précurseur de l'économie moderne. L'énorme fortune qu'il réussira à construire ne suffirait pas à expliquer cet homme-là. Par contre, à partir de quel moment de sa vie en Avignon commence-t-il à appliquer ce qui restera sa stratégie, une stratégie à peu près unique dans l'histoire de la finance et du commerce ? Cette stabilité en ce qui concerne surtout ses associés, nous la trouvons que lorsqu'il rentrera en Italie. Toute la période avignonnaise est une période d'expérience. Dans un document, par exemple, on voit pour une même compagnie fondée en 1368, la raison sociale faire état de deux ou trois associés, avec les noms et le type de participation parfaitement notés, et l'année suivante, on s'aperçoit que les noms ont déjà changé. Je pense qu'on pourrait dire que les sociétés étaient instituées dans un but déterminé et après, normalement, elles étaient dissoutes. Et c'était une caractéristique des sociétés de la période où Francesco Datini a vécu. Contrat passé entre Francesco Datini et Toro di Berto, à Avignon, le 25 octobre 1367. Au nom de Dieu et de sa mère, la Madone Sainte Marie, et de Messire Saint-Pierre, et de Messire Saint-Paul, et de Messire Saint-Jean. En ce jour du 25 octobre 1367, il est dit que Francesco di Marco Datini et Toro di Berto, ensemble compagnons d'Avignon, ont passé contrat d'association pour raison de sel. Il est dit que les deux associés sont d'accord pour être inscrits à part égale dans la compagnie qu'ils fondent à ce but. Toro di Berto porte à la compagnie la somme de 2500 florins d'or qu'il s'engage à tenir ferme. Mêmement, Francesco di Marco Datini porte à la dite compagnie la somme de 2500 florins d'or qu'il s'engage à tenir ferme. Il est dit que les deux soumettent en nom et qualité la somme de 5000 florins d'or au fonctionnement de leur compagnie. Il est dit à ce jour que la compagnie est valable pour 3 ans, qu'au bout de ces 3 ans, elle sera dissoute et qu'on se répartira les bénéfices. Peut-on dire que Datini considéra que ses expériences étaient terminées et qu'il pouvait désormais construire solidement sa fortune? En réalité, jamais le temps des expériences ne sera réellement terminé pour lui. Il y a d'ailleurs une lettre très intéressante qui date de 1371, dans laquelle il répond aux pressantes requêtes de sa tutrice, Mona Piera, qui le suppliait de revenir à Prato avant qu'elle ne meure. Je sais que de vous ne m'est jamais venu que juste et tendre vérité, que de nul au monde conseils plus sages et plus fructueux ne m'ont été donnés. Vous me faites requête de ne plus prolonger mon séjour et craignez qu'il m'en coûte. Mais rendez-moi raison, vous qui m'avez enseigné le proverbe et souvent dit d'avoir garde que l'homme pense et Dieu ordonne. Ici, il en est un autre qui dit: encore un peu, fais-toi fatigue, et homme deviendra. Mona Piera, je vous veux contente, et je veux contente tous ceux qui tant de bien m'espèrent. Ma fortune est bonne, mais à rentrer déjà, il y aurait dommage, car je me dois à réaliser tout ce qui est encore réalisable. Lors seulement, je reviendrai. Vous tuerez le chapon le plus gras, et le cuirez dans le grand chaudron. je mangerai de beaucoup et plus jamais n'aurai, comme avant, à me laisser sur ma faim. Francesco Di Marco Datini ne voulait pas encore, dans 1371, retourner à Prato parce qu'il avait toujours soin de conserver à ses amis, à ses associés qui lui avaient été fidèles, le travail et la prospérité. Il avait le sens, l'autre sens de responsabilité envers ceux qui l'avaient aidé. En fait, envers ceux qui avaient d'une certaine manière favorisé sa réussite à lui. Qui lui avait été fidèle. Je pense qu'il a jugé pouvoir revenir à Prato, surtout quand le pape d'Avignon est retourné en Italie et quand le centre économique d'Avignon est retourné à Rome. Et alors, naturellement, il était fatigué de sa vie, alors il s'est marié et il est retourné à Prato pour bâtir sa maison, pour continuer son activité en Toscane. État des frais de déplacement de Boninsegna di Matteo. Pour aller plusieurs fois d'Avignon à Beaucaire, sol 15. Pour aller d'Avignon à Orange, puis à Pont-Saint-Esprit, puis à Roquemort, et retourner à Pont-Saint-Esprit et à Orange pendant 3 jours et demi, livre 2, denier 6. Déplacement du 5 juin 1377 au 12 juin 1377 entre Avignon et Aigues-Mortes. Repas et avoine, livre 3, sol 10. Pour 50 repas à Aigues-Mortes, boissons comprises, les provendes, livre 7, sol 13. Pour la location d'un cheval d'Avignon à Orange, à Pont-Saint-Esprit, pendant 6 jours. Pour du pain, du vin, des poissons, de l'huile achetée pour déjeuner à Péquet, sol 10, denier 8. Pour location d'une mule pendant 2 jours, sol 12. Pour ses dépenses et celles de cette mule pour aller à Beaucaire, livre 1, sol 2, denier 6. Pêche achetée à Lunel lors de sa maladie, sol 4. Pour location de 2 chevaux pour aller à Péquet, sol 6. Pour donner au médecin pour la consultation, pour le prix de 46 repas, à 3 sous le repas, à Aigues-Mortes, livre 6, sol 18. Pour les dépenses faites chez ses hôtes à Aigues-Mortes pendant sa maladie, sucre et poulet, livre 5, sol 5, denier 6. Pour une nuit passée sur la route d'Avignon à Beaucaire, sol 6, denier 8. Pour achat d'un béret et d'une besace, livre 1, sol 16. Dépense d'avoine du foin, sol 6, denier 3. Mais comment avait-il mis sur pied ce réseau tout à fait extraordinaire qui couvrait non seulement une partie de la France et de l'Italie le long des côtes méditerranéennes, mais également en créant des comptoirs beaucoup plus éloignés? Comment avait-il procédé? Ce qu'il faut savoir, c'est que les grandes routes marchandes convergeaient tout alors à Avignon, qu'elles soient de mer ou de terre. C'est d'Avignon que partait la plus grande partie des marchandises en direction de la mer du Nord. Bien sûr, on empruntait de préférence la voie du Rhône qui permettait d'alimenter les marchés de champagne. Et ça donnait naissance à des foires fabuleuses. Et d'atteindre les Flandres jusqu'à Bruges. En effet, lorsque les papes quitteront Avignon, la ville perdra beaucoup de son prestige. Elle restera quand même une étape pour les bateaux qui prendront la voie de Gibraltar afin de rejoindre Bruges par la mer. Pour aller de Beaucaire à Aigues-Mortes pour y charger deux navires de sel pendant 6 jours, livre 3, sol 12. Pour aller le 6 mars 1376 de Beaucaire à Uzès pour voir vendre le sel, livre 1, sol 4. Pour aller le 21 février 1376 au Thor, dresser les actes de vente, livre 2, sol 8. Pour aller le 8 mars 1376 charger deux navires à Péquet et rester 6 jours, livre 3. Pour aller à Orange décharger un navire, livre 3, sol 12. Pour aller le 22 mai 1377 à Péquet y charger trois navires et y rester 10 jours, livre 3, sol 12. Pour aller le 6 juin 1377 à Pont-Saint-Esprit à Orange et ferrer son cheval, livre 1116. Dépenses de foin et d'avoine pendant un an et demi à Beaucaire. Vous parlez de la grande voie que représente le Rhône pour le commerce à l'époque. Est-ce que une des affaires qui sera la plus fructueuse, entreprise par Datigny, ne sera pas celle du sel, car il a laissé un livre de contes tout à fait passionnant, qui s'appelle d'ailleurs « Les contes du sel », et à travers lequel on pourrait expliquer une grande partie de l'économie et surtout du développement des transports de marchandises à cette époque-là. Et si un'altra compagnia remarquable. Oui, Datigny ouvrira une nouvelle compagnie qui s'adonnera à des opérations commerciales ayant en effet le sel pour objet, qu'il pourra traiter, contrôler, étendre à tous ses comptoirs. D'autant qu'il se trouvait dans une région extrêmement riche en salines. Il vous suffit d'imaginer ce que peut représenter le tirage de 4000 tonnes de sel sur le Rhône. Contrat de raison de sel. Au nom de Dieu et de la Madone Sainte-Marie, de Messire Saint-Pierre, de Messire Saint-Paul et de Messire Saint-Jean, qu'avec dévotion nous prions de nous donner santé et gain avec accroissement de personnes et d'avoir. Amen. Ce livre a 100 feuillets numérotés en chiffres arabes et il appartient à Francesco Di Marco de Prato et Anastasio di Ser Tommaso. Nous l'appellerons « Livre de raison et compte du sel ». Dans ce livre sera inscrit par ordre et par partie tout ce que le dit Francesco Di Marco mettra pour sa part, c'est-à-dire la moitié dans la dite raison du sel, et de la même manière sera inscrit ce que Anastasio di Ser Tommaso mettra pour sa part, c'est-à-dire la moitié dans la dite raison du sel. Parce qu'ensemble ils sont d'accord pour que chacun mette ce qui sera nécessaire à la raison du sel, chacun par moitié. Et aussi, ils sont d'accord que la dite raison rendra profits et pertes à répartir entre chacun par moitié, ainsi que chaque dépense nécessaire pour la dite raison. Aucun participant ne doit retirer de profits ou de pertes que la dite raison n'ait rendue. Et en cette raison du sel, l'avoir, le droit et les dépenses se feront par ordre. Ils seront inscrits plus avant dans ce livre, comme ils s'en suivront, par Boninsegna di Matteo, jusqu'à la fin de ce livre, lorsque la dite raison du sel sera finie. Est-ce que l'on peut dire que Dattini s'est montré, dans le commerce du sel, un opportuniste inspiré? Je dis opportuniste dans le meilleur sens du terme. Dattini était cet opportuniste, mais au meilleur sens du terme. C'est-à-dire qu'il faisait immédiatement entrer dans ses trafics tout ce qui lui apparaissait commercialement important à un moment précis, dans un lieu précis. Le sel était à exploiter sur place, il exploitait sur place. Et il faisait la même chose pour toutes sortes de produits. La laine, par exemple, la laine du Languedoc, qui n'était peut-être pas aussi recherchée que l'anglaise, mais offrait un marché parfaitement négociable en Provence. Tank num laiset ni num retengamus, et am sargiate tutas as dulurs, sic ed el tut ma facu bedien. E carnis apes cursiu es ufren, am si carga de l'amourus afan. 10 février 1378. Francesco Dattini à Stoldo di Lorenzo. Comme cet ami m'a traité en coupable, je peux dire avoir perdu pour le sel 1500 florins et tenu improductif pendant 2 années 5000 florins. Et encore le sort m'est contraire à ce jour. Mais je ferai comme le marin qui ne cesse de naviguer, bien qu'il ait grande peur de la colère du ciel et de la mer. 11 novembre 1378. Il y a 3 mois que j'ai envoyé Boninsegna à Aigues-Mortes afin d'en finir avec ce sel maudit, ou alors d'y mettre bon ordre. De manière que de sel, il ne m'en soit plus parlé pendant 1 an. 31 octobre 1381. Du sel, j'en suis enfin tout à fait libéré. Sauf qu'un débiteur me demande d'oublier sa dette. Eh bien, j'y consens. Et que de tout, Dieu soit loué. Est-ce que Dattini a connu des échecs, de vrais échecs? Una caratteristica del suo carattere che si rileva. Vraisemblablement. En tout cas, il y a dans sa correspondance quelque chose d'assez caractéristique que l'on relève très souvent. C'est une certaine appréhension dans la manière de traiter certaines affaires, liée peut-être à cette enfance et cette adolescence d'orphelin et au souvenir des premières années d'Avignon lorsqu'il commença à construire sa fortune. On le voit souvent dans les lettres qu'il écrit à ses associés, craindre que les bateaux se perdent en mer avec leur chargement, que la compagnie ne réalise pas les gains espérés ou que la marchandise ne trouve pas d'acheteur. En fait, il y a en lui un curieux mélange d'espoir solide en l'avenir et en la fiabilité de ses entreprises et de lucidité, de cette lucidité qui lui fait entrevoir finalement la fragilité d'une telle activité. Ceci est la marque commerciale de Dattini que l'on retrouve sur, non seulement sur les lettres, je crois, mais sur toutes les marchandises et tous les emballages des marchandises. C'est le signe marchand qu'il utilisait à la place de l'adresse de ses comptoirs ou de la sienne propre, de façon à ce que le destinataire voit immédiatement qu'il en était lui, Datini, le négociateur. Elle est constituée d'un F inclus dans un rectangle et surmontée d'une croix, la croix étant le signe de la chrétienté. Ordonnance royale sur le commerce du sel. 7 décembre 1377, par ordonnance du roi Charles V, il est dit que le grenetier et le contrôleur écriront sur leur registre la quantité du sel qui sera dans le grenier, le nom de celui à qui il appartiendra, et le jour que le sel a été amené. Il y aura dans chaque grenier 3 serrures fermant à 3 clés différentes. Le greffier écrira par jour et par partie singulière le sel qui aura été vendu. Et lorsque le grenier sera vide, le grenetier, le contrôleur et le marchand calculeront à quoi monte le prix de la vente. On vendra du sel dans les greniers, à grosse mesure, à setiers, minots et demi-minots, et les regrattiers le revendront au détail. Pendant les dernières années qu'il va vivre à Avignon, Datini va, semble-t-il, différer régulièrement son retour en Italie, son retour à Prato, malgré l'assistance de sa femme, qui souhaite vivement le voir revenir. Il va différer pourquoi ? Peut-être parce que, direz-vous, il faut bien se fixer un chiffre pour reconnaître que l'on a fait fortune. Pas seulement un chiffre, d'ailleurs, qui serait le chiffre de la propre fortune, mais savoir que le réseau de ses affaires est parfaitement en place et qu'on peut quitter la ville qui a servi de centre géographique de ses affaires et retourner chez soi. Pour Datini, avoir enfin fait fortune, ça représentait quoi ? Ça représentait quel patrimoine ? C'est très difficile de juger le patrimoine en général, soit des immeubles, soit des capitaux. Mais je pense que Datini s'est décidé à retourner à Prato pour des motifs. Dans la lettre à sa mère adoptive, il a écrit qu'il était contraint de continuer à danser, di rimanere in ballo, on dit chez nous, pour conduire à bon fin ses affaires. Et après que, comme je l'ai dit, Avignon n'a été plus le siège du pape, il a pensé, il a jugé qu'il était arrivé le temps de faire retour à Prato et de continuer peut-être avec plus de bonnes chances son activité en Toscane, tout en gardant l'organisation qu'il avait créée dans la période avignonnaise. Mais je crois qu'on peut donner une idée de sa fortune, car elle était estimée à 100 000 florins. 100 000 florins, c'est-à-dire une somme plus importante que celle qui correspondit quelques années auparavant à la vente de la ville d'Avignon au pape par la reine Jeanne de Naples. Cette somme était de 80 000 florins. Donc la fortune de Datini était plus importante que la somme donnée par un pape pour l'achat de la ville d'Avignon. Il faut calculer qu'il a aussi acheté des biens immeubles avant et après qu'il est retourné à Prato. La fortune de Datini se compose non seulement de sa résidence, mais des capitaux qu'il a employés dans des autres entreprises commerciales et industrielles et de banques, et aussi de ce qu'il a dépensé pour acheter des immeubles qui donnaient de prestige, qu'il favorisait l'ascension sociale d'un marchand qui avait beaucoup travaillé, beaucoup gagné et qui enfin voulait donner à l'extérieur, parmi ses citoyennes, et même à Florence, parce qu'il a été aussi acheté une maison à Florence pour montrer aux autres ses citoyennes sa fortune, sa puissance économique. C'était la France dans les archives de l'Europe, à Prato, en Toscane, les archives de Francesco Di Marco Datini. Au XIVe siècle, la constitution des premières grandes archives commerciales d'Europe. En Avignon, les années d'apprentissage. Avec le professeur Panzini, Elena Cecchi, Diana Toccafondi et la voix de Jean Brassailles et de Suzanne Détra. Une émission de Françoise Malétra, réalisée par Christine Bernard-Sugy, diffusée pour la première fois sur France Culture le 25 août 1982. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».